Il faut se conduire comme il faut. Sous ce titre, l'Agence Télégraphie Centrale de Corée a publié le commentaire qui dit notamment « L'entreprise militaire anglo-italienne Augusta Westland a livré en Corée du Sud la première part des hélicoptères armés Wildcat de type AW-159 contractuels. Le groupe Eobas, entreprise aéronautique et spatiale la plus grande de l'Europe, s'est engagé l'année dernière à livrer en Corée du Sud un avion-citerne A330 MRTT et des hélicoptères armés. La société à responsabilité limitée allemande MBDA, qui a passé en 2013 un contrat de vente avec la Corée du Sud de missiles de croisière Taurus KEPD-350, envisage aussi de les livrer à partir de cette année. Rien qu'après les années 1990, la Grande-Bretagne a vendu en Corée du Sud d'énormes armements et pièces comme hélicoptères d'opération maritime, équipements de bataille navale, radars hydroacoustiques, systèmes de navigation aérienne fixe, etc. Actuellement aussi, beaucoup de firmes militaires européennes sont en négociation avec la Corée du Sud en vue de vendre des équipements de guerre de toutes sortes, tels que missiles de destruction des ouvrages souterrains, drones et lance-fusées de 230 mm commandés par les autorités sud-coréennes, dans le but d'achever le système d'attaque préventive contre notre pays. Sans égard à la situation aiguë de la péninsule coréenne, l'Europe considère la Corée du Sud comme un marché d'armes prometteur et s'applique seulement à gagner de l'argent. Si elle a le moindre intérêt à la sécurité de la péninsule coréenne liée à la paix mondiale, elle doit agir comme il convient pour favoriser la solution du problème. Si l'Europe désire vraiment la paix, elle est tenue de s'abstenir de l'hypocrisie et de se conduire avec raison.